Guillermo Gay. Ah oui. Non. Oui. Ça va les amigos? Ah oui. Tu vas parler de tes vacances ou pas? Je reviens. Oui. Je reviens de Cannes là. C'est une allergie ou c'est un bronzage? Je reviens de Cannes. Je reviens de Cannes. C'est moi tranquille. Je voudrais faire des. Il y a du pu en dessous. Hein. Laisse-le. Je peux bosser. Il y a moins. C'est mon travail ça. Oui, pardon. Je reviens. Je suis déçu de Cannes. Je croyais que j'allais voir Nagui et tout. On m'a dit qu'il a un petit bien immobilier là-bas qui s'appelle genre la Croisette ou un truc comme ça. Je sais pas trop. Peut-être c'est une caravane ou quoi. Je suis de vacances à part les moustiques. Flagrant, j'ai attrapé un chikungunya. Flagrant. Ah ouais. Le type là-bas, c'est des albatros. Sérieux, il y en a. J'ai dû les creuser en Fosbury comme ça. Vraiment, c'est un délire. Hein. Cannes. Bon, j'étais déjà allé au festival en fait avec l'équipe de Once Upon a Time in Hollywood. Évidemment. C'est moi qui joue la doublure de Leonardo DiCaprio. Inch'Allah, un jour ils me remettront au montage. Peut-être dans la version belge du DVD, va savoir. Mais par contre, en vacances, j'étais jamais allé quoi. Et je suis arrivé, le chauffeur de taxi il m'a direct prévenu par rapport à mes rencontres amoureuses. Il m'a dit ah, il faut faire attention, beaucoup de professionnels ici. Hein. Il y a deux, c'est Jean-Michel Apathy qui conduisait. Je savais pas, il y a un petit boulot à côté. C'est Jean-Michel Apathy. Il m'a dit ah, il y a beaucoup de professionnels ici. J'ai dit ouais, je sais bien, mais j'ai un badge Radio France. Tu vois, avec ça, j'ai des prix. Vous croyez que tu fais comment, Guillaume Meurice? Et franchement, je vous détaillerai bien 2-3 anecdotes. J'ai reçu des instructions très strictes de la part de Jean-Baptiste, notre rédacteur en chef nazi. Il m'a fait Ernesto, fils d'une éolienne. Il m'a dit ça va faire 4 ans que t'es avec nous. Il m'a dit fais-moi un plaisir. Cette année, ton sgeg, tu cesses. Il m'a dit tu cesses, arrête de parler de ton sgeg. Il m'a dit tellement t'as parlé de ton sgeg sur France Inter, la direction veut trouver un créneau horaire. Tu vois, ils veulent qu'il co-présente une émission avec Fabrice Drouel. Je réponds de toute façon, mon sgeg, si je donne pas l'autorisation, il fait rien sans moi, tu vois, c'est niette. Hein. Et il me dit non, je veux pas le savoir, cette année, t'arrêtes de parler. Et je fais t'es sûr, Jean-Baptiste, parce que je reviens de Cannes, crois-moi, j'étais pas là pour vendre des chamois d'or, hein, franchement. Et là maintenant, je connais 6 façons de dire c'est beaucoup trop cher en russe. Et il m'a dit non. Il m'a dit cette saison, tu te concentres sur l'actualité chaude. Je fais l'actu chaude, putain. Tu crois que j'ai vraiment envie de parler d'OM Valenciennes? Il a été disculpé, Daniel, non, c'était même pas son jardin. Et en vrai, j'aimerais bien parler d'actu chaude, mais aujourd'hui, précisément, là, ce serait hypocrite, franchement, parce qu'à 37 heures, franchement, j'étais encore dans la Méditerranée, je nageais avec le plastique, j'étais trop bien, j'ai croisé un mérou, il avait un pantalon en sky. Franchement, tu vois, tu te dis, sérieux, c'est là que tu te dis, allez, qu'est-ce qu'ils sont débrouillards pour c'est que de la récup, quoi. C'est un enchantement, la Méditerranée. Franchement, j'ai bu une tasse, je croyais que je léchais un mécano. Franchement, heureusement que c'est salé. Sérieux, mais malgré ça, il y a encore 37 heures, j'étais coupé des malheurs du monde, comme ça, j'étais déglingué H24 à faire les pires cassosseries et tout. Autant dire que quand j'ai rallumé le JT, je me suis senti tellement sale. Et c'était même pas Leïla qui présentait en plus, tu vois. Et franchement, je me suis senti comme une souille. Vraiment, j'ai là, l'Amazonie, elle brûlait. Et moi, le seul truc que je me disais, c'était franchement, à 17h, je dois encore mettre de la crème. Franchement, c'est le seul truc. Et mon pote, il me faisait, ah, c'est vrai que tu es une peau qui pue un peu la Bavière. Ouais, c'est devenu mon gars sûr, Jean-Michel Apathy, tu vois. Sans lui, jamais j'aurais pu payer une vodka le prix d'une mère porteuse. Mais vraiment, je sais que. Je sais pas si moralement on a le droit à l'insouciance, surtout quand on est aussi privilégié, c'est ça le truc en fait. Franchement, j'essaie de me déculpabiliser en me disant que voilà, concrètement, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire pour la forêt amazonienne. Je veux dire, mon Canadair, je l'ai revendu, tu vois. Avec Uber, chauffeur privé, ça sert plus à rien dans les grandes villes, tu vois. Mais c'est vrai, en plus ici, dans les seules chroniques où je vous parle pas de mon sgeg, c'est pour dire que Sapiens, il faut qu'on réfléchisse en tant qu'espèce, qu'on arrête de réfléchir en tant que pays, quoi. La forêt amazonienne, c'est bizarre que ça appartienne à un pays et pas à une organisation mondiale, genre les Illuminati ou quoi. C'est vrai, parce que là, le bois de Boulogne, par exemple, ça appartient à la France, mais imaginons que ce soit le poumon de la Terre. Enfin, c'est un mauvais exemple, parce que le bois de Boulogne, ça appartient aussi un peu au Brésil. Et Albert Algou. Eh bien, cette réflexion-là, on voit que c'est dans la mer à 37 heures. Allez, faut plus laisser les chroniqueurs en vacances. Bonne émission, les amis. Merci, Guillaume. Ah.